John Antoine No, La belle capture. C'était un brave homme que le bandit Toto Mika, m'affirme souvent mon ami Pierre-Ange Gracchi, l'auteur des chroniques apocryphes de la Corse. Et pour appuyer son dire, il me narre des histoires un peu fabriquées, où ce fier à bras vertueux joue des rôles tellement édifiants qu'on en devient inquiet pour l'avenir du banditisme dans l'île de Paoli. Par exemple, me contait hier Gracchi, Toto Mika se promenait un jour du côté de l'homme de Cagna, vous savez bien, la montagne qui domine Porto Vecchio et Muratello. Quand il aperçut un tout jeune gendarme occupé à guetter quelqu'un ou quelque chose. Ce guerrier à bicorne suivait un petit chemin bordé d'arbousiers aux fruits de peluche rouge. S'arrêtait, repartait, levait les yeux vers la cime du pic, les baissait ensuite comme pour étudier le sol de la sente. Avait l'air d'un comanche en pantalon bleu qui ne sait pas très bien s'il doit examiner une piste ou se rendre compte du temps qu'il fait. Toto Mika lui emboîta le pas, carrément, mais à distance respectueuse, parce que les fusils des gendarmes ne ratent pas toujours, en dépit de l'opinion générale. Lorsque l'homme bleu s'agenouilla, se prosterna presque à la lisière d'un bois d'olivier, et que le bandit put être certain qu'il épiait un vieux vagabond soucieux de faire vite sa récolte d'olives, pendant l'absence du propriétaire, notre Toto Mika n'hésita pas longtemps. Il déroula sa longue ceinture de laine noire, la transforma en un très présentable lasso, bien qu'il n'eût jamais lu de roman sud-américain, et s'approcha à pas de loup de l'apprenti Pandore. Un seul geste, et le jeune soldat de l'ordre, le sieur Trophime Sénéquier, se sentit le cou serré par une cravate qui l'étranglait un peu. Toto Mika desserra le licol, mais fit cela sa prise. Puis, employant son plus beau français, il demanda, non sans bienveillance, au gendarme ce qu'il pouvait bien chercher là, installé à quatre pattes sur le sol pierreux. « Espèce de tugue !» répliqua le jeune homme bleu, très rageur et nullement effrayé. « On vous expliquera cela au tribunal de Sartène. »« Sangou, il faudra que je te délie avant, mais tu n'es pas poltron, toi, » grogna Toto. « J'ai presque envie de te lâcher. » Il le débarrassa de la longue, longue ceinture et de t'offrir un verre d'aquavité. « Au café de la brousse ?» ricana le gendarme. « Non, au café de mon sac, » répliqua Toto qui tira. En effet, d'une vague gibecière, une gourde et deux gobelets de cuir. Ils trinquèrent. « Tu pourras t'en aller dans une minute, » reprit Toto. « Mais explique-moi pourquoi tu en veux tant à un vieux bonhomme qui ne fait pas grand mal. » « Il m'est signalé depuis 8 jours, mais je ne m'étais pas dérangé uniquement pour lui, tu penses ? À propos, je te préviens qu'il y a d'autres oiseaux de mon plumage, pas très loin d'ici. Il paraît qu'on a vu des bandits dans les environs. » Et il regarda Toto d'un air significatif. Oh, on en voit dans bien des endroits. Mais tu comprends que, comme je suis en bon terme avec ceux que tu cherches, je ne vais pas te mettre sur leurs traces, malgré tout mon désir de t'être agréable, car j'ai de l'amitié pour toi. Tu es un brave garçon. C'est dommage que tu aies pris ce métier-là, surtout dans notre pays. Les bandits corses ne sont pas de méchantes gens. On ferait 100 fois mieux de vous employer à traquer les voleurs assassins de chez vous qu'à pourchasser des gens qui n'attaquent jamais que leurs ennemis. Oh, je ne demandais pas mieux que d'ignorer toute ma vie d'aussi peu dangereux criminels. Je préférerais retourner sur le continent. J'allais me marier chez moi près de Toulon quand on m'a expédié à Porto Vecchio. « Seulement, pour rentrer en France, il faudra que je sois brigadier. »« Ah, je voudrais pouvoir t'y aider, » dit Toto Mika en s'éloignant. « Mais ce ne serait pas facile. » Et, quand il fut à une certaine distance, il cria très fort. Tu pourras dire à tes camarades que tu as rencontré le bandit Totomica. » Quelques jours plus tard, le gendarme Sénéquier, monté cette fois, cheminait au petit trot de son cheval sur la route de la Solenzara. Il était allé porter un ordre à Sari. Le soleil venait de se coucher. Déjà, les chênes-lièges, un instant auparavant plaqués d'or rouge, devenaient d'un bleu sombre, comme le soir qui les enveloppait. Sénéquier n'était plus qu'à 3 ou 4 kilomètres de Porto Vecchio, lorsqu'il entendit une voix d'enfant qui gémissait. Il descendit de son cheval, fit quelques pas, et aperçut, dans le fossé, une petite fille étendue sur des pierres et des plantes piquantes. Il essaya de la relever. Elle ne pouvait se tenir debout, et le gendarme constata qu'elle avait une jambe cassée. La petite n'entendait pas le français, et Sénéquier ne parlait le corse que très difficilement. Il parvint, malgré tout, à comprendre que la fillette promenait ses chèvres sur la route quand elle avait reçu, d'une mule échappée, un coup de pied qui l'avait envoyée dans le fossé aux plantes épineuses. Elle venait d'y rester plus d'une heure. Les passants étaient rares à partir du milieu de l'après-midi. Oui, elle habitait Porto Vecchio. Sénéquier la cala, aussi douillettement qu'il put, sur son cheval qui partit au pas. Il la maintenait d'un bras et de l'autre conduisait sa bête. Quand il fut près de la minuscule ville dont le clocher aigu et les bastions génois se détachaient en haut de la colline, comme de grands bibelots de laque noire sur le clair de lune, il sut encore demander à la petite blessée où elle demeurait exactement. « À côté du docteur Sassomonte, en face de l'église, chez ma grand-mère, Madame Giovannai. Mais... » Et la gamine, qui souffrait moins à ce moment-là, déclara, non sans orgueil, « Mais je suis la fille de Totomica. » Des semaines s'écoulèrent. L'homme bleu, qui chaque jour s'était rendu chez la mère Giovannai pour l'aider à soigner la fillette, voyait enfin guérie sa petite blessée quand il fut envoyé seul à Sartène pour une affaire de service. Il partit donc à cheval. Le voyage fut plus que facile, par beau temps et sur des chemins montueux mais bien entretenus. Mais Sénéquier ressentit une singulière impression quand il eut dépassé Sainte-Lucie de Taillanon. On lui avait dit que Totomica s'était fait voir l'avant-veille dans les parages de cette élégante bourgade. Il se mit à surveiller, avec plus de soin qu'à l'ordinaire, les issues des ravins et les sentiers de traverse. À l'orée d'un bois de pins, Lariccio la leçon pointa. Un homme venait de sortir brusquement du couvert. Très peu bandit d'allure, comme toujours, vêtu en bon petit propriétaire corse qui va faire un tour à la chasse, Totomica se tenait debout sur la route, à 2 pas du gendarme. « Eh bien, ton cheval n'est pas aussi brave que toi. Ce n'est pas un vrai corse, il est plutôt du bord des gendarmes que de l'autre. En tout cas, toi, tu es un bon diable en culotte bleue. Je sais que tu as ramassé et guéri ma petite fille. As-tu encore envie de devenir brigadier ? Plus que jamais, je me languis du continent et de ma future femme. Voici une occasion pour toi. Fais-moi prisonnier. Ne plaisante pas, nous sommes des amis à présent. Dis que je suis un mauvais gendarme qui ne veut pas faire son devoir, mais j'aimerais mieux arrêter 4 bandits que toi. Il me serait trop pénible à te maltraiter. Qui te parle de ça ? Et puis, tu ne pourrais pas, vieux camarade. Ne te fâche pas, mais il faudrait être un colosse pour battre Totomica. Eh bien alors, je me rends sans combat, et j'ai un cheval par ici. Tu ne seras pas embarrassé pour me transporter à Sartène. Tu me ligoteras, et me passera les menottes quand nous serons près de la ville. Ne te moque pas de moi, je me refuse à te livrer, j'aime mieux passer au conseil de guerre. Mais il n'y a pas de danger pour moi, je m'échappe de partout. Et sois tranquille, je ne filerai que quand tu seras brigadier. Tu as soigné ma petite fille, alors ? Et le bandit fit si bien que Sénéquier amena au maréchal des logis-chefs de Sartène un brave homme d'apparence paisible, convenablement habillé, casquetté de neuf, la barbe taillée à la mode. Un personnage d'un charme admirablement bourgeois, mais orné de menottes et de liens divers. Les gendarmes de Sartène l'accueillirent avec une joie sauvage, car ils reconnaissaient le dangereux, le correct, l'insaisissable Totomica. Le prisonnier voulut donner lui-même le coup de pouce ultime à la petite histoire qu'il plut à Sénéquier de raconter. « Oui, monsieur le margichef, vous pouvez vous vanter de posséder, dans la gendarmerie de l'arrondissement, un gaillard qui a brossé Totomica, un lapin ou plutôt un tigre, un lion. Je n'ai pas pesé lourd pour ce moutard-là qui n'a l'air de rien. C'est le seul d'entre vous qui m'ait jamais fait peur, et peur à tel point que je lui pardonne. » Peu de temps après cette belle capture, Sénéquier passait brigadier et on l'envoyait dans son pays, au Mourillon, près de Toulon, où il se maria. Et toujours galant homme, Totomica ne prit la clé des champs que lorsqu'il sut les galons de son vieux camarade cousus pour de bon. Ah, c'était un homme parfait, un saint en casquette, ce Totomica, le bandit gentilhomme, conclut encore une fois mon ami Cracci, auteur des chroniques apocryphes de la Corse.